Salut tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de La Jasette propulsé par Young Media. Mon nom est Jean-François Cromp. Moi, c'est David Thibodeau. Et on a un sens du timing incroyable. Alors, je me pognais le pinch, que j'ai pas. Ça commence très bien. C'est ça. Fait que on va expliquer un petit peu La Jasette, c'est quoi, avant de débuter le tout. Ben, La Jasette, c'est une discussion ouverte sur tout et sur rien, plus particulièrement sur rien. Plus particulièrement. Ouais. Vraiment sur rien. Ouais, vraiment. Mais tu sais, on jase pour jaser. Là. On est relax. Là. C'est comme vraiment là, comme deux gars qui prennent une bière avec un micro entre les deux. Là. Ben ouais. Puis on sait que tout le monde fait ça. Là. Tu sais, tu t'en vas dans un bar, tu te prends une bière, t'amènes tu un micro. Trouves un micro. Là, toujours. Il faut. Qui se traîne pas un micro dans sa poche? 2012, qui ne s'enregistre pas? Oui, il y a ça, par exemple. Tu sais. Ouais. Qui ne se propulse pas? Propulser, c'est le terme à la mode pour les podcasts ces temps-ci. Donc, c'est pour ça qu'on adopte, on emboîte le pas, comme on dit. Oh ouais, on suit le mouvement. On suit la mouvance. Fait qu'on se fait la jasette. Ouais, donc fond, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est jaser, comme si le monde jasait avec nous autres, mais il jase pas avec nous autres. Ouais, d'ailleurs. Qu'il ait le goût de jaser, là, de réagir. Là, parlant de ça, parlant de réagir avec le monde qui nous écoute, d'ailleurs, si vous nous écoutez, ben merci d'être là en ce premier épisode. Ben oui, merci. Donc, si vous voulez réagir avec nous, venez nous parler sur notre compte Twitter. Compte Twitter. LAJASETTE, La Jasette. La Jasette. On peut nous rejoindre sur le yonk.ca également. Ouais. Un propos pour La Jasette sur yonk.ca. Donc, le podcast va être hébergé là aussi. Ça va être yonk.ca/podcast. La page est pas encore accessible, mais vous pouvez aller voir notre super page 404, par exemple, de Young. Ouais, ouais. Vous allez tomber là-dessus si vous faites l'adresse qu'on vient de vous donner. Oui, c'est ça. Ah, mais pendant qu'on est sur le sujet, je pense qu'on peut peut-être parler un peu de Young Media. On va introduire on est qui pour le monde qui ne nous connaisse pas et qui ne savent pas ce qu'on fait. Producteur de contenu audiovisuel. Audiovisuel! Hey, un beau lapsus! On fait de l'audiovisuel. Ça fait que tout ce qu'on fait, c'est laid. C'est sale. C'est crotté. C'est pas propre. Non, c'est ça. Ouais, non, donc... audiovisuel, on fait de l'audiovisuel. On fait du média. Du média. Ouais. Principalement axé sur le web présentement. Projet comme le Tweetaid, d'ailleurs, qui s'en vient. Ouais, le Tweetaid, le 22 mai. Le 22 mai. J'espère que vous allez être là. Si vous êtes là, venez nous rencontrer au show lapin. On va être les deux gars avec les t-shirts Young Media sur le dos. N'hésitez pas à venir nous voir, d'ailleurs, pour justement vous faire prendre en photo en groupe. On veut du monde souriant. On veut... Après ça, on va sûrement avoir des montages à faire, peut-être pour l'année prochaine, s'ils en font une autre troisième édition. On va faire une pub un peu comme on a fait cette année. C'est en plein ça. Probablement un petit recap d'après. Les photos vont être sur le web, sur le compte Flickr de Action Tox. Et voilà. Fait que gênez-vous pas, venez nous voir. Ouais, si vous êtes... On va vous filmer, on va vous photographier, on va... Venez nous jaser point avec si, vous autres. Si on vous connaît de Twitter, venez nous jaser. Avoir du fun. Ouais, donc c'est ça, on va être là. Donc, mais c'est ça, Young Media, depuis 5 ans, on a cette compagnie-là, toi et moi, David. Compagnie qu'on a commencé... dans le fond, c'est une idée de discussion qui a abouti à ça. Une petite jasette de fond du sous-sol qui a mené à un début de compagnie. Là. Un début de compagnie que dans le fond, au début, c'était pour faire Des courts-métrages. Des courts-métrages. On a fait. À voir sur notre site young.ca. Oui, d'ailleurs. YOINK.ca. Ouais, bon, on l'a bien plugué. Oui, on a fait quelques courts-métrages, dont la célèbre série The Parking. The Parking. Commencé avec une idée de merde. Oui, mais c'était des courts-métrages faits pour faire des tests. Voilà. Faut dire que le premier, ça a été filmé juste avec un gars qui avait une caméra qui savait pas ce qu'il faisait. C'était une handycam, là, genre quasiment VHS, puis pas d'éclairage et presque pas de batterie. Filmé en dessous d'une autoroute à Montréal. Pendant qu'il pleuvait. Les conditions gagnantes, tu sais. Oh ouais. Quelque chose pour faire un bon film, là, tu sais. Ouais, c'était quand même le fun. Ça a passé jusqu'au parking numéro 2 avec la grosse caméra qu'on a. C'est plus évolué, ouais, c'est ça. C'est plus évolué, qui est quand même pas plus... Test d'effets spéciaux. Aussi bidon, dans le fond, là, sa formule. Mais c'est le but en même temps. C'est pas pour se concentrer sur le scénario. C'est pour se concentrer sur tester des angles de caméra, tester des effets vidéo, tester des trucs. Ouais, mais dans le fond, tu sais, on a fait des courts-métrages, mais on a rien fait de sérieux, vraiment... Pendant que David tousse. Excusez-moi. On n'a rien fait de vraiment de sérieux à date de court-métrage. Mais avant, il y a moi, quand je suis allé à Trébasse à l'école pour le cinéma, on a fait un court-métrage de lutte. parce qu'on est issu un peu du milieu de la lutte. Oui, le milieu de la lutte québécoise. Oui, ben, québécoise et semi-internationale. Quelle scène, milieu... Quel milieu bizarre. Milieu incroyable, la lutte québécoise. Il y aurait des choses à dire là-dessus, à peu près. On devrait se jaser de ça à un moment donné, un petit podcast sur la lutte. On devrait s'en faire un. On checkera, on pourrait savoir peut-être avoir des invités. Oui, c'est ça, on pense qu'on va... remettre des invités, là, c'est ça, pour le show. Là. Des amateurs de lutte, puis peut-être du monde dans le domaine encore, ce serait intéressant. Effectivement. On va trouver quelqu'un. Peut-être Frankie the Mobster, peut-être. Peut-être des contacts. Oh. On le connaît-tu, lui? Frankie the Mobster, on peut sûrement s'arranger. Et on parlera de ça quand on sera rendu. Et une autre fois. Hein? Ouais, donc, à Young Media, on n'a pas fait vraiment de court-métrage. Ça, on a fait un court-métrage à la lutte, on a fait un autre court-métrage en 16 mm dont tu étais la vedette, où tu meurs en dessous d'un viaduc... Quel moment touchant. De façon crédible et intense. Il y a d'ailleurs une scène incroyable dans ce film-là où un de nos... C'est quoi ça-là déjà? C'est l'eau dormante, c'est ça? L'eau dormante. Il y a une scène incroyable qu'il y a un gars qu'on connaît qui s'est fait rentrer dedans par un char là-dedans, qui se fait rentrer dedans par un auto dans le fond, dans la zone des scènes. Et l'effet est incroyable. C'est percutant. Tu vois qu'on avait du potentiel. Le budget y était. Oui. Oui. Le son est bon aussi. On dirait le son du couteau qui tombe au sol est vraiment presque trop présent. Je pense qu'on entend plus le son du couteau qui tombe au sol que le son du char qui frappe le gars. Ouais, mais tu sais, tu te rappelles sur le tournage de ce court-métrage-là, le preneur de son avait une tuque en laine. Les écouteurs par-dessus la tuque. Fait dans le fond, il se coupait le son avec la tuque. Ouais, fait qu'il a tout mis dans le fond, les volumes dans le tapis parce que lui, il entendait rien. J'ai un grincement de chaise. T'as un grincement de chaise? Ouais, faudrait peut-être la huiler, un WD-40, quelque chose. C'est plaisant. Bon, anyway. Okay. Mais ouais, lui, il mettait le son dans le tapis parce qu'il entendait rien, il avait une tuque puis tout, là. Fait que, yeah. Bonne idée quand même. Bonne idée. Très bonne idée, ouais. Fait que c'est ça. Il travaille pas dans le domaine, lui. Ben, son père était comme dirigeant à Radio-Canada. Des scoops. Hey, on fait du trash talking ici à la jasette. On se fait du name dropping. Ça me tente pas de tomber dans le name dropping. On laisse faire ça. On n'est pas là pour blaster le monde, on est là pour jaser n'importe quoi. On est là pour jaser pendant une guerre. Ouais, fait que c'est ça. Donc, Young Media, ça aboutit que finalement, moi, je me suis acheté une bonne caméra vidéo, toi, tu t'es acheté une bonne caméra photo. Donc, on est parti dans le. Ben, bizarrement, dans la couverture d'événements puis de spectacles, mais comme. Semi-underground, là, parce qu'on s'entend que si on avait des gros spectacles qui nous payaient, on aurait plus d'équipement que ça, puis on ferait plus que ce qu'on fait là. C'est sûr qu'on se débrouille avec l'équipement qu'on a. Souvent, on y va bénévolement ou des petits budgets, puis on y va avec les moyens du bord, mais on a quand même des résultats assez pas pires. On a filmé un show live des Hommes Cellophane, on a couvert l'année passée la Saint-Jean des humoristes. Malheureusement, qui n'est pas disponible pour personne. On a un DVD et un Blu-ray de produit, mais il y a juste toi et moi, puis Martin Petit qui va le voir. Fait que ouais. C'est Sylvain Marcoux. C'est Sylvain Marcoux également, avec qui on va faire un projet bientôt. Que je sais pas si j'ai le droit de parler présentement, de dire deux, mais en une heure précise et en. En collaboration avec d'autres gens. Oui, des gens. De Twitter. De d'autres personnes, genre, en tout cas. Mais du monde. Du monde de Twitter. Des gens. Des humoristes. Oui. Oui. À une heure précise. En tout cas. Hey, c'est que c'est ça. Puis ouais, récemment, j'ai commencé à faire des capsules vidéo de rétro nouveau aussi. Ben ouais, c'est ça, je m'en ai dit. Le gros rétro nouveau sale, là. Ouais, des grosses jobs. Des contacts, tout, là. C'est le gros contact. Hey, Bruno Georget. Bruno Georget, Dominique Bourret. T'es un client chez où je travaille, ça. Ouais. Hein, ouais, j'ai déjà parlé au téléphone. Ouais. Un gars bien smart. Ouais, son relax, les gars, tu vois que... C'est les gars qui jouent Nintendo, c'est relax. Ouais, tu vois, tu sais, en partant, quand tu portes un wife beater, t'as pas le choix d'être relax, là. Ah, c'est ça, tu sais. Il va smooth, là, tu sais. Quand t'as un Genesis sur une table pour plugger à une vieille télé, même pas flat screen, tu sais que t'es en bonne main, là. Ouais, non, mais tu peux pas jouer à ça sur une... C'est vraiment le fun. Les gars sont vraiment motivés puis motivants, puis c'est le fun de travailler avec eux autres. Puis en plus... Ouais, ça doit, ouais, ça a l'air de la fun. C'est le fun, mais c'est... Un autre podcast consommant de la bière, dans le fond. Là. Ouais, mais c'est ça, puis relax, c'est leur passion. Eux autres, leur passion, c'est les jeux vidéo. Nous autres, c'est de jaser dans le vide, dans le fond. Ouais, dans le... Ben oui. Ben oui. Hein? Révélation. Ah ben. Ça choque, hein, ça... Toute ma jeunesse, puis... Pouf! Disparu en fumée. Aïe, aïe. Ces temps-ci, ce qu'ils font, c'est qu'ils font deux segments. Ils font souvent un segment jeu rétro. Ils vont jouer à un jeu vidéo carrément. Donc, avec la. Je me débrouille avec les moyens du bord, encore une fois. Là, on a comme 3-4 caméras pour un gars qui filme. Mais ça donne un aspect cool parce que j'ai une GoPro qui filme la télévision directement. La GoPro, c'est vraiment une petite machine intéressante. Je viens en avoir une. On va se faire du plaisir avec ça bientôt. Là. En snowboard, ouais. Oh, on a des idées de plans. Ben, faudrait monter ce qu'on a filmé en snowboard. On a fait des tests. À la nuit, dernière nuit blanche. Avec notre gros talent de snowboarder. Là. Ben, c'était quand même pas pire pour ça. Ben, on est des riders, on n'est pas des jumpers, on fait pas des tricks. Tu sais, t'as bien vu, j'ai essayé de faire une box, puis je suis tombé direct sur le cul après la box. Une rail pour nous autres, c'est glisser sur une rail, puis that's it. Il n'y a pas de jump, il n'y a pas de passe, là. On fait pas un grab. Si je fais un jump, c'est souvent par accident. On est trop vieux, on veut pas se faire mal. On a été magané par la lutte. Là. C'est ça. Sinon, c'est ça, là. Ben donc présentement c'est ça, puis on fait aussi du web parce que ben moi dans la vie je suis programmeur web, je travaille pour Coalition, je fais les sites web d'Orage puis de Lolé. Puis moi je suis designer graphique, fait que donc on tient on graphiste dans le fond. On se complète assez bien pour faire des sites web. C'est pas mal ça qui se passe. C'est assez complémentaire. C'est ça qui arrive, tu sais. C'est comme on est comme un duo là. Moi je suis comme tu sais le côté technique puis toi t'es la bombe créative. Ouais. Ouais. C'est ça. Moi, je prépare le visuel. Puis toi, tu le mets en place. Je m'arrange pour que ça marche. Tu t'arranges pour... Moi j'aime quand un programmeur me dit « Fais ce que tu veux, puis je vais m'arranger avec ça. » Ça veut dire que j'ai pas de contraintes. Là ça va bien. Ben quand tu mets des contraintes qui sont vraiment... Ben, c'est sûr que je connais la base du web. Je sais comment il faut que ce soit... le display et toute la kit. C'est sûr que ça aide quand tu peux découper les carrés. Là, ou, ouais, non, c'est ça. Il y a une base à connaître, mais je veux dire, se laisser aller dans... T'sais, pense pas aux fonctions, pense pas à comment ça va se faire. Dis juste, go, moi, je veux que ça fasse ça, puis j'aime ça. Parce qu'on s'entend qu'il y a des sites web qui sont pas très hot, presque. Ah, il y a beaucoup... Il y a tellement de sites qui sont pas hot, mais... Mais c'est casteur, il y a du monde qui s'improvise un peu professionnel du web. Ben, pis... ouais, ben, mais ça, c'est comme dans n'importe quoi, je m'en ai dit, avec l'accessibilité des caméras vidéo puis photo à Star, n'importe qui peut se dire, tu sais, monteur vidéo puis whatever. Là, ben, nous autres, même en partant, là, on a commencé de même un peu. Dans ouais, mais on a de l'expérience. Ça fait vraiment longtemps qu'on fait des montages d'avant. C'est là, ça, tu vas l'acquérir, ton expérience, mais je veux dire, avec le temps, on s'est acheté du matériel aussi pour faire... Pour aller mais plus je veux loin dire, quand on filmait avec des vieilles caméras qui avaient des cassettes VHS dedans, on se disait pas, hey, on fait des. Ben non, mais on non, va vous filmer vos mariages puis vos affaires. Puis... Non, c'est ça. Hey, je me suis acheté une petite caméra Handycam. Je pourrais faire des mariages. Là. Ah non, c'est ça, mais il y a bien du monde qui vont s'improviser. Là. Je te disais que j'avais eu peut-être un offre pour filmer un truc de défilé de mode. Là, défilé de mode, ouais. La fille m'a dit l'année passée, il y a un gars qui m'a dit qu'il avait une bonne caméra, puis qu'il a filmé ça, mais le montage était pourri, puis t'as filmé tout croche. Fait que tu payes pas, mais tu sais jamais sur qui tu vas tomber, tu sais, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. N'importe qui peut s'improviser. Fait que c'est facile de se fourrer, là, mais. On commence à avoir un puis peu de matériel à notre. Puis je veux pas qu'on passe non plus pour être comme. Dire qu'on bâche les autres, là, non plus. Là, non, puis on veut pas passer pour des imposteurs non plus, parce que c'est pas ça qu'on est. Là. Non, mais c'est ça. On est des... Notre portfolio est assez en ligne. Une petite équipe, là. Ouais, c'est ça. On est 4-5, là, présentement, comme total, quand on a des projets à faire, là. Personne n'est vraiment payé, à moins qu'on a des gros contrats de web ou... Pas de prétention, vraiment, là. C'est un peu comme ce podcast-là, là. C'est ça, c'est assez lousse, tu sais. C'est lousse. Young, c'est ça, dans le fond. Young, c'est lousse. Faut le racheter dans les phrases random sur notre site. On l'a pas mis? Peut-être pas, non. Ça devrait être... Je vais le dire, ça devrait être d'emblée. Ouais, d'emblée. J'aime ça dire d'emblée. Qui c'est qui dit ça d'emblée à cette heure? D'emblée. Hein? D'emblée. Drôle d'expression, c'est pareil. Hey. Bon. Ouais, mais donc, on vous invite à aller voir notre site web. Si vous allez sur notre site, d'ailleurs, faites des refreshs parce que toutes les photos, les citations qui sont là sont toutes random... On a un gros photoshoot de fait, donc... Beaucoup de photos random dans la page à propos aussi. Ouais, la page à propos qui est très dynamique. Allez par-dessus les membres, vous allez avoir leur bio avec leurs photos personnelles. Beaucoup qui sont de photos. Toutes random. C'est le fun. Il y a des petits genres de easter eggs aussi, là, avec des photos plus louches, là. Puis, ouais, des photos louches. Faut les trouver dans la page service. Non, c'est... Oui, c'est dans service. Dans la page service. Ouais, il y en a quelques... Ben, je te dirais que dans la page à propos, là, les photos d'équipe, Il y en a une qu'on a l'air d'avoir une genre de photo de famille qui nous manque juste des gens, des gens avec des vestes de loup, ben ouais, des vestes de loup, des tricots, là. Tricots là, avec des caribous là, faites carré comme là, un peu genre 8 bits là. C'est comme dans le temps de Noël, là. T'en as comme un dans le centre du chest, là. Puis c'est comme si tous des caribous pareils, là. Puis là, mettons, ton genre de tricot, il est tout rouge. Puis la bande du milieu est blanche, genre comme un genre de blanc beige. Un gros sapin vert. Un blanc cassé, là. Tu sais, avec le tricot dedans, rouge, pour rappeler le chandail. T'sais, ouvert, des fois. Un gros sapin. Un sapin, mais un gros sapin centré, là. Centré carré, là. Vraiment, ouais, vraiment 8 bits, là. Encore. Ouais. Ah, oh, 4 bits, je te dirais. Oh, peut-être même 4 bits, ouais. C'est des gros carrés. C'est des 4x4, là, tu sais. C'est huge. C'est des gros carrés, là. Fait qu'on commence ça, ce podcast-là. Si tu commences, qu'est-ce que c'est? Ben, je pense que c'est commencé. Je pense que c'est un c'est peu ça. Le concept, c'est la ça, jasette, tu sais. C'est un peu comme quand tu jases avec du monde, tu sais. Des fois, fait que si vous êtes encore à quelque part, puis tu t'en vas carrément ailleurs. Fait que si vous êtes encore à l'écoute, ben, ça va être ça, là, la jasette. Bon, là. Ça se peut que ça se déplace, puis que les propos divergent un peu, puis qu'on. Ah, mais il faut. On est ailleurs. Il faut que ça diverge. On décroche carrément de quoi qu'on parlait. Puis là, un On revient, on a comme un filon. Hey, comment qu'on fait pour tenir ça, ce filon-là? Bon, on a comme une feuille. Mais là, c'est pas pire, on est juste deux. Mais si on a des invités à un moment donné... Si on a des invités, le filon va être dur à suivre. Non, mais c'est sûr qu'on parlait de peut-être faire des quand on va avoir des invités, ça va être des émissions spéciales, thématiques un peu, dans le fond, sûr. Ça, on voulait parler de plein d'affaires, dans le fond, là. Donc, comme on vient de la lutte, on peut parler de la lutte. Quand on va avoir le début de la saison de hockey l'année prochaine, on risque de faire une genre de... spécial hockey. Une antichambre Young Media, là, la jasette. Ça fait longtemps qu'on y pense. Quelque chose de vraiment... Mais un peu tata, là, tu sais, on a des chums qui seraient bons là-dedans, là. j'ai deux noms en particulier, là, Alex puis Martin, là. D'après moi, ça devrait donner quelque chose de assez haut en couleur et très volubile, là. Ça devrait être pas pire, là. Ouais, ça devrait. D'ici ce temps-là, je vais avoir bâti le mini-studio podcasting, là. Ça devrait être assez solide. On veut parler, on est des gamers, toute la gang, toute notre. On va parler de jeux vidéo, Peut-être... inviter des gars comme Bruno Georget, Dominique Bourret. Ah oui, pour faire juste une jasette sur les jeux vidéo en général. Pas de critères. Là. On peut parler de vieux jeux, on peut parler de n'importe quoi, jeux récents, jeux qui sont sortis, jeux qui vont sortir. Dans les prochains temps aussi, il y en a un, j'aimerais ça faire un spécial voyage, mettons. Ouais, j'ai mon frère qui vient de revenir deux mois et demi en Thaïlande, Laos, dans ce coin-là, avec son backpack. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Nous autres, on a fait une couple de voyages, on est allé... dans l'Ouest. Toi, t'es allé dans l'Ouest pendant un bon 6 mois, je pense, aussi. Un petit peu moins. Je suis allé pendant environ 4-5 mois, là. Tu sais, j'ai travaillé là-bas. Fait qu'on pourrait parler de ça. T'es allé au Mexique. On a quand même voyagé. J'étais allé en Californie. Donc, on a quand même fait quelques voyages. Ça peut être intéressant. Mon frère aussi fait un voyage en Europe l'année passée. Il est allé un mois en France, puis il a fait le tour, là, en Allemagne, tout ce coin-là. Donc, d'après moi, il peut avoir des affaires intéressantes à dire. Si on lui donne une coupe de bière, il va être enclin à jaser. On a des idées pour des invités, puis parler de n'importe quoi. Dans le fond, c'est ça. Là. On va vous jaser. Vous pouvez réagir à nos propos. C'est ça, comme on disait au début. Venez nous parler sur notre forum. On va avoir, dans le fond, en dessous de chaque épisode, on va avoir des places pour réagir à les commentaires. Ouais. Venez nous parler directement sur notre Twitter aussi. On va vous répondre. Si vous avez des choses auxquelles vous aimez jaser, que vous voulez qu'on parle. Dans le fond, on veut savoir de quoi le monde aime jaser. Quand vous êtes entre amis là, au resto ou genre une soirée entre amis chez vous, vous faites un petit souper avec du vin, de quoi vous jasez, t'sais? Autour d'une petite fondue. Là, prendre ton petit bâton. Les maudites fondues. T'aimes ça la fondue, toi? C'est bon, mais Chris, c'est long. C'est long, puis il me semble que tu manges pas beaucoup à la fin. Tu bois bien plus que tu manges. Ouais, ma blonde a bien mangé de la fondue, tu sais. Elle aime ça, la fondue. C'est une affaire de fille, ça? Ah, c'est une affaire de fille, je pense, la fondue. C'est bon, mais tabarnak, donne-moi 8 baguettes, là, pis mets-moi des hosties de gros chunks de viande. C'est genre un morceau de steak, là, genre. Ouais, fait pas. Ouais, pis tu sais, le problème, c'est justement, à un moment donné, tu t'ambitionnes, parce que là, tu sais que c'est long, de la fondue, fait que là, tu mets ta viande, mais là, t'as laisse trop longtemps. Ouais, où t'en mets? En réalité, là, c'est tellement pas long à cuire. Pis on fait tout ça, on met toute notre hostie de baguette, pis on attend tout trop longtemps. Puis là, finalement, tu sors ton affaire, puis c'est genre semi-sec, là. C'est comme la viande, Chris, elle est beige, elle est grise. Elle était durcie, et tout le jus est sorti. Ouais, mais justement, vu que ça tremble dans le jus, au moins, ça reste quand même tendre, tu sais, c'est l'avantage. C'est moist. Pourquoi on parlait de fondu, là? Je sais plus, mais... C'est ça. Fait qu'on a plein d'idées. Non, mais ça, on disait, on voulait savoir le monde de quoi qu'ils parlaient pendant quand ils font leur souper de fondu. Bon, là, mais justement, peu importe, là. Qu'est-ce que vous parlez? De quoi vous parlez? Quand vous êtes en chum, de quoi vous parlez quand vous êtes à des en soupers de couple? On aimerait ça savoir ça. C'est peut-être, ouais. Ça peut être intéressant à savoir. Mais les gars aussi, par exemple, parce que, tu sais, dans le fond, il y a bien des préjugés sur, t'sais, sur les petites histoires, mettons, les filles se parlent de ça, les gars se parlent de ça, mais t'sais, dans le fond, on veut vraiment savoir de quoi vous aimez jaser, t'sais, ça peut être général, là, ça peut être carrément n'importe quoi. Là. Oui, on veut savoir. Ouais, la jasette veut savoir. On est un peu voyeur. Toi, t'es un peu voyeur. Ben non, mais on veut savoir, t'sais, de quoi qu'il parle. Ouais, mais c'est comme, c'est intéressant. On c'est veut comme, on veut c'est comme dans votre vie privée. La socio-pop culture, là. T'allais-tu dire de quoi, ou... J'allais faire un petit move genre proche du mic, là, pis parler pas fort de même, là, mais je le ferai pas. Tu fais bien. Ouais, donc c'est ça, on a dit en début d'enregistrement qu'on est à notre deuxième bière parce que notre préparation était longue, c'est parce que on peut dire que Dave, t'es comme un vierge des podcasts, t'es un peu un anti-podophile. Ben pas anti-podophile. Parce que tu connais pas ça vraiment. Je t'ai fait un petit briefing rapide des podcasts québécois puis quelques podcasts US. On a écouté un peu de Kevin Smith. Non, je suis pas très podcast. Honnêtement, je sais pas, je prends pas le temps. J'ai connu les podcasts, je connais justement le podcast de Retour Nouveau. Là, c'est sûr que je reconnais parce que t'en parles avec Young. Mais je veux dire, côté podcast, je connais trois bières, je les suis sur Twitter, j'ai jamais écouté leur podcast. Je sais même pas pourquoi je les suis. Il faut que tu les écoutes. On dirait que. Mais ouais, mais là, tu m'en as fait écouter un petit peu vite fait. Mais non, honnêtement, je connais rien des podcasts. Mais faut dire que. Mais c'est bizarre, tu sais. Contrairement je me sens à moi. Comme imposteur, tu sais. Je connais rien des podcasts. Puis j'arrive ici, moi, aujourd'hui, je m'improvise podcaster. Ah, mais faut. Même tu dis ça. Ben, podcaster, ouais, c'est ça. Je suis un podcaster, moi, là, en ce moment, là. Présentement, ouais, t'es rendu un podcaster. Parce que juste à cause du fait que j'ai un hostie de micro en dessous de mon nez, là. J'ai un micro là. Puis à cause de ça, je suis un podcaster. Mais je connais rien des podcasts, là. Ben, vraiment, là, je suis. Quelle meilleure façon que de connaître les podcasts que d'en faire un? Ben, ouais, c'est ça. Je vais m'écouter. Ouais. Ben ça va peut-être te donner le goût. Ben non, mais écoute-toi pas, écoute-en d'autres. Ouais, non, c'est ça, faut que j'écoute des Faut dire que contrairement à moi, t'as pas une job qui te permet vraiment d'écouter de la radio non, parce toi-même. Que moi, je fais parce de téléphone, que ouais, c'est ça. T'es pas mal au téléphone, au sport, à la clientèle, souvent avec le monde. Puis, ben oui. Moi, je fais de la programmation web, faut que je sois dans ma bulle. Fait que quel meilleur moyen. C'est sûr, si j'avais plus de temps, moi, j'en écouterais à la job. Que d'être dans sa bulle, que d'écouter trois personnes qui prennent de la bière à 7h le matin à la job. C'est me focus. C'est toujours intéressant, tu sais. Ou d'entendre parler de jeux vidéo, tu sais. Ouais, donc c'est ça, on va faire un podcast qui parle de tout et de rien parce qu'on n'est pas spécialiste de rien vraiment, là, à part de vidéos, parce qu'on en fait beaucoup, mais puis on en consomme beaucoup aussi de vidéos puis de films, d'émissions de télévision, mais on voulait vraiment pas se limiter à un seul sujet, nous autres, on voulait y aller là, vraiment librement. Plus rien, n'importe quoi. N'importe quoi. Pas de créneau fixe. Non. C'est plat, ça. Ouais, c'est pour ça qu'on... Ça nous permet peut-être justement de plus divaguer aussi. C'est pour ça aussi qu'on fait pas de créneau fixe, on fait pas de diffusion live, parce qu'on sait jamais quand on va le faire, puis... Puis on sait pas que ça va donner, non? Non, c'est ça, ben là, c'est le premier, là, on va voir, puis on va ajuster après, ça se peut que le concept change. Je sais pas au moment de la diffusion quel thème musical je vais avoir mis au début au montage, parce que là, on a Martin qui va nous faire un... Martin Véro qui va nous faire un thème musical. Ouais, là, c'est on podcast, fait... puis on a pas nos tunes, on a rien, là, on a... Ça se peut qu'on... On sait pas qu'est-ce... C'est quoi le... On connaît même pas le marketing là, de notre... Non, on sait même pas. On sait même pas que ça on va développer avec le temps parce que... C'est correct, ça. On le fait en jasant, fait qu'on va le savoir en jasant. Puis, tu sais, pourquoi gaspiller la bonne jasette sans avoir de micro en brainstorming? C'est un peu du brainstorming live qu'on fait là. Ouais. Ah oui, eh oui. Fait que... De quoi, part ça... De quoi qu'on parlerait bien? Quoi de neuf, mon GF? Je peux-tu me prendre une petite gorgée avant ça? Ben oui. Hey. Non, mais... C'est une bonne conversation, là. Ça peut souvent commencer par « Puis, quoi de neuf? » Tu plates ça comme question. Quoi de neuf? Le small talk, c'est-tu de la merde? Ouais, le small talk... Ben... Moi, j'ai du talk que c'est de la merde. Hey, ah oui. Talk oui. Is shit, man. Sérieux, là, on parle pour rien dire des fois. Comme là. Là. Oh, mais ça, c'est le fun. Mais oui, mais c'est ça qui fait... C'est du sociable. C'est ça qui fait que... Ouais, mais c'est parce que c'est pas du social forcé, tu sais. Le small talk au bureau, t'es un peu forcé puis pogné pour le faire puis c'est vraiment pas intéressant. Si t'as du monde intéressant au bureau, le fun, ça fait cool. Ah oui, là. Mais si t'as ta job, genre, tu fais ta job pour faire ta job puis t'es, la plupart du temps dans ta job, t'es tout seul puis là, à un moment donné, il y a du monde qui vient de parler, c'est sûr que... T'sais, t'as pas nécessairement tout le temps le goût de parler à tout le monde. Là, t'sais. Non, mais ça, c'est comme à ma job, là, qu'ils me font mon meeting puis qu'ils me disent après l'année là, on n'a rien à dire côté travail, là, on voudrait juste que t'ailles comme. Tu sais, que tu sois plus lousse avec ton horaire puis t'ailles jaser avec le monde des fois. Je suis comme. C'est quoi, what? Vous me dites d'aller perdre mon temps puis. T'es pas assez lousse. Je suis pas assez lousse. Ouais, lousse. Ouais, je me... Mais être plus avec son horaire, ça peut peut-être être avantageux. Ça veut-tu pouvoir dire rentrer à midi, finir à 3h? Non. C'est lousse en crise. Ça, ils veulent pas, par exemple. Ah, mais pourtant, c'est très lousse. C'est ça. Moi, pour moi, ça. Pour moi, être lousse avec mon horaire... Si ton boss vient te voir et dit « Ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais? » Ben, tu m'as dit d'être lousse avec mon horaire. J'arrive à midi. Je suis lousse avec mon horaire. Moi, je suis pas stressé, là. Ouais, mais des... Ouais, c'est la fois que je fais, c'est que j'arrive un peu plus tard. Mais moi... Moi, ils m'ont dit comme tu peux commencer entre 7 et 9,5 puis finir entre genre 4 et 6,5, 7, mettons. Là. Mais à 5,5, le bureau est fermé. Là. Fait que le monde qui rentre à 9 et finit à 5,5, c'est de la crosse parce que c'est ça que je devrais faire. Là. Fais-le. Je vais le faire quand je vais habiter à côté, là, quand je vais déménager bientôt, là, peut-être. Là, mais c'est ça, tu sais. Moi, je fais 7 à 4 parce que je veux partir à 4 heures. Ouais, c'est non, comme, c'est ça. N'oubliez pas me faire chier. Là. Mais sinon, là, ouais. Quoi de neuf, tu sais? Ben, quoi de neuf? Ça a de l'impact. Ben là, on en a parlé. Quoi de neuf? J'avais Rétro Nouveau. Là, on a deux épisodes de Rétro Nouveau audio qui ont fucké parce que les micros n'ont pas marché. Là, mais, ben les projets. Ben les projets Young qui rentrent. Sinon, toi, Dave, quoi de neuf? Ben, quoi de neuf? Quoi de neuf? Hey, sais-tu, moi, là, sérieusement, quoi de neuf? Drette ça, là. Un podcast. Ça, c'est neuf pour moi, là. Tant mieux, c'est faut... C'est du brand new. Ouais, on a... Sinon, tu te vires en jeu, moi. Fais pousser de l'herbe à chat, ciboulette, menthe persil. Moi, j'étais... T'es un gars... T'es... Je suis de même, moi. Ouais, cultivateur urbain. Ouais, fais pousser ça sur mon balcon. T'as-tu vu à la... côté, un petit peu à côté de mon charcoal. T'as-tu vu l'annonce de genre... Charcoal. Le fermier urbain ou je sais pas quoi avec Ricardo, là? Le fait, non. Avec une toune vraiment ben trop quétaine quand... Okay, l'émission me donne vraiment pas le goût d'écouter ça juste à cause de la toune. Non, j'ai pas vu ça. Oh boy, je pense que t'as Radio-Canada, si jamais tu pognes ça... je pense que ça ajoute des fois dans les pauses. Je sais pas si t'écoutes l'émission de Pérus. Non, je l'ai pas écouté encore. Moi, sûrement, checker ça sur TouTV. Ouais, ça. Mais ouais, j'aime bien ça. Ça s'écoute bien, même sans regarder la télévision, parce que c'est du Pérus. Ouais, c'est le fun. Je check ça. Mais je suis content qu'on fasse du comic, quand même, un peu du... pas du comic, mais du dessin animé au Québec, là. On est dû, puis on a la technologie pour, c'est assez facile. Je suis même pas... Ouais. Ils peuvent probablement faire ça en flash, là. Ouais, je sais pas c'est quoi comme technologie. J'ai pas vu le look visuel de quoi ça avait de l'air. Ah, faudrait que tu checkes ça, là, mais c'est pas très, très... c'est pas du 3D, c'est du dessin là. Simple, là. C'est du dessin genre... simple, ouais. Genre 2D, un peu cartoony, là. Mais ça ressemble-tu à ce qu'il faisait avant, tu sais, son autre émission qu'il avait fait? Ça ressemble-tu à ça? C'était comme... ça avait un effet genre de 2D dans du 3D, là, comme? Ou... Ouais, mais... Tout, 3D, non, c'est vraiment 2D, du vrai genre. 2D, là, comme un peu look BD, là. BD, ouais. Ah, ça doit être cool, pour vrai. Je pense que j'aime mieux ce look-là. Ouais, mais ça... Ça fait plus old school, là, un peu, là. Ouais, ben c'est... J'aime c'est... le look old school, là, tu sais, comme classique, là. Ben c'est le fun, ça appuie quand même bien ses gags, là. C'est souvent que tu peux te figurer dans ta tête, un peu, hein, quand t'écoutes du Pérus, là. T'es pas obligé de le regarder, ben tu peux juste l'écouter. Là. C'est ça, tu pourrais juste l'écouter. C'est sûr que ça... Tu mets en background. Ça va t'amener... Ouais, tu peux l'écouter en faisant la vaisselle, mettons. Ouais, des fois, ouais, je fais ben ça, c'est du Pérus, dans le fond. Vaisselle, là. Mais si tu plates la maudite vaisselle... Tu l'as comme dans ta tête, tu te l'imagines tout le temps, de toute façon, quand t'écoutes du Pérus. À force d'en avoir écouté avec les années, t'as compris le principe, c'est un pattern qui fait le Pérus. Je sais pas si t'écoutes du Pérus depuis le début des Pérus. Ouais, depuis le début. Là, le tombeur. Je l'écoute à la job. Là. Ah oui, ça passe dans ta playlist à la job sur iTunes. Là. Tous les albums sont sur mon iTunes. Là. C'est tout classé. C'était carré, ça. Yes, sir. Ouais, ouais. Fait que petite virangée, fait pousser de l'herbe à chat puis de basilic. Ouais. Tu sais, moi, regarde, les gros projets. Hey! Quoi de neuf? J'ai installé Lightroom 4. Ah ouais? T'as eu le bêta ou tu... Non, j'ai... Je l'ai pogné test, là. Ouais, ah ok, ouais, tu peux le tester. Ok, ouais. Ouais. Tu peux le tester. Ouais? Ça, comparé à celui qui... Je pense que je vais me l'acheter. Là. Ah ouais? Tu vas acheter un produit Adobe qui coûte 8000$? Non, il est pas cher. Ah ouais? Je pense 100 quelques piastres, là. Ah, genre... c'est quand même pas pire. Pour un logiciel comme Lightroom, c'est pas si pire. Puis j'utilise ça comme en débile, là, Lightroom. Ouais, je passe toutes mes photos là-dedans. Tu fais beaucoup de photos, je travaille toi. Tout mon RAW là-dedans, mettons, là. T'es le photographe de Young Media officiel. Côté ajustement, puis retouche mineure un peu, là, tu sais, genre enlever des boutons, des trucs de même, là. C'est vraiment génial. Puis là, ils ont ajouté quelque chose que je suis tellement heureux. Le Highlight Shadow. Oh! Fonction qu'il y a dans Photoshop, mais tellement il utile. Il l'avait pas dans le 3? Non. Oh. C'était tellement... Hey man, j'ai retravaillé des vieilles photos, là, que mettons, tu sais, tu prends une photo à contre-jour, là, là t'as le soleil qui blase bien raide en arrière, fait qu'à cause de ça, le sujet en avant est comme le sujet qui est en avant-scène, ouais, est comme noir, genre, ouais. Tu vois comme pas son détail de visage. Fini, man. Tout est beau. Le ciel est plus clair, il est blast moins, puis le sujet est plus éclairé. Man, c'est incroyable, là. Ça, c'est... Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça, le justement, le fait qu'on peut à cette heure rusher les photos tellement, là, ils ont il y a un appareil ou une technique là, qui s'en vient que tu comme tu peux être flou, puis tu vas être capable de remettre ta photo comme tu veux, genre, après ça, là, en focus. Ben... C'est comme si tu es rendu que tout le monde peut être des photographes, puis c'est une bonne... N'importe qui peut se dire un artiste, là, à cause que... Oups, Ouais, mais en partant, là, imagine-toi, là, tu vas voir des photos, mettons, sur des sites comme Instagram, des places de même, là. Tu vois des gens qui ont pris des photos avec des iPhones. Ah, mais tu vois des. Il y en a que tu vois qui sont les photographes puis qui sont ouais, le monde attends, amateur. Des... Oui, peut-être, mais il y en a qui ont l'œil aussi puis qui sont ouais. pas nécessairement photographes, c'est mais qui ont juste l'œil. Ils vont réussir à te faire une photo avec un iPhone. Tu vas pas faire mieux avec un appareil reflex ou pas vraiment. À part la grosseur de la photo. Parce la que dimension, tu vas avoir, bon, mais tu vas avoir genre des 30 mégapixels maintenant quasiment, là, tu sais, puis des trucs comme ça, c'est intense, là. Tu regardes le nouveau Nikon voyons, le D4, c'est ça? Ouais, je pense. Le D4? Malade, là. On s'excuse pour les fans de Nikon, on n'est pas à jour dans nos infos. C'est débile, là, c'est malade, là, la caméra, mais tu sais... Là, ils veulent faire les caméras sans miroir, puis tout le kit. En tout cas, j'ai bien hâte de voir que ça va donner. Ben, sérieux, je pense pas jamais que ça va arriver que tu vas avoir une qualité qui vont le faire numériquement aussi forte que ce que tu as quand tu as une lentille physique. Hein. C'est physique, les lentilles, reste, là. C'est... Côté, c'est sûr que ça tout... Ben, il reste que les petites crises de caméra qu'ils ont dans un iPhone, là, sont solides, là. Ah, la technologie, oui, vraiment, c'est ça accroche. Puis tu vas réussir, tu vas voir des photos du monde qui prennent, là, ça va faire des macros, là. Man, ouais. tu vas payer une lentille à un prix de fou pour faire une macro de même. OK, tu vas réussir à aller peut-être chercher un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'effet flou, puis ton effet va être plus sacoche. Mais il y en a là, qui ont vraiment l'œil, qui vont réussir à te faire des photos avec des iPhones que tu dis, OK, ça a été fait avec une reflex, là. C'est sûr. Ah, mais il y en a peut-être qui le font, ça aussi, d'après moi. Là. Parce que tu peux importer ta photo dans Instagram. Fait probablement aussi. Est-ce qu'il y en a... Ouais, il y en a sûrement qui le font. Moi, je fais pas ça parce que Christy, c'est bien trop pour rien, là. Hey, non, mais sans être Instagram nécessairement. Mais ouais, n'importe quelle photo. Comment tu veux dire là. Ils montrent des exemples photos prises avec un iPhone. Mettons, là, j'ai vu des sites. Là, bon, mais ça, c'est une photo. J'ai vu un site justement qui comparait les deux. Okay. Il avait amené sa caméra, genre professionnelle. Mettons qu'il équivalait aux 1000$ ou et plus. Mettons, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme caméra. Mais puis il avait amené son iPhone. Puis il prenait les mêmes photos que avec sa caméra photo puis son iPhone. Puis sérieusement, la qualité, t'avais quelque chose, un résultat vraiment impressionnant, là, pour vrai, là. C'était quelque chose, là. Ouais. Tu te dis, crime, OK, on est rendu là avec un iPhone, là, je veux dire, tu te promènes dans la rue, t'as ton cellulaire, clac, t'arrêtes sur le bord du chemin, photo, sacoche, là. Ouais, j'ai réussi à en faire des papiers quand je suis allé à Québec, l'autre fois, t'as vu ma photo de Gasbar, qui était quand même... Ouais. Ben, je l'ai passé dans un autre. Rétro. Celle-là, je l'ai. Ben, puis ça, beaucoup de monde font ça. Puis même que, tu sais, je dirais, si vous utilisez Instagram, faites ça. Passez dans un autre logiciel avant d'envoyer votre photo dans Instagram parce que tu peux l'amener encore plus loin, justement. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai passé dans King Camera. Puis une application excellente en passant qui coûte 1$ sur le iPhone. Tu peux l'avoir. Je ne sais pas que c'était fait par en plus des Québécois. C'est deux Québécois ça, qui ont fait ça. Ça. J'ai vu ça à Monsieur Net. C'est important de le mentionner. Hey, c'est deux Québécois qui ont investi, je pense, de leur poche, qui ont passé un an. C'est des photographes, les gars. Puis c'est plus complet que l'application de Photoshop, je te dirais. Là. Puis ils ont beaucoup de presets. Moi, j'ai downloadé l'application Photoshop sur sur mon Nexus là, Android. Là. J'ai pas été impressionné. C'était une version test, là, bêta, genre, ou je sais pas trop, là, gratuite. Là. J'ai pas été impressionné. J'ai d'autres applications, je trouve, qui font autant ou plus. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin d'être ça. Là. Ben, c'est ça qu'une caméra, dans le fond, est gratuite en plus, l'application. C'est juste que le seul truc qui est bloqué, c'est à l'export de ta photo à la fin. T'as juste le plus petit format qui est débarré, puis si tu veux avoir le format print, c'est 1$ pour avoir le full format. Là. Ouais, j'ai des $1.99. De sur Android. Mais ça, celle-là, j'étais comme, OK, deux Québécois, puis c'est vraiment, vraiment à ce point-là écœurant. Fait que ça, passer dans une application externe, après ça, aller dans Instagram, là, ouais. Ça donne plus de profondeur, souvent plus de possibilités. Là, fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'à part de ça, il y a le nouvel album de Razorazo qui est sorti cette semaine, là. Ouais, mais j'ai pas encore eu la chance de télécharger. Non, sur mais iTunes, c'est ça, mais moi je te parlais cette semaine en l'écoutant directement. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut dire qu'on se parle. On est probablement les deux seuls qui restent encore sur MSN présentement. Là. On se parle par MSN. On pourrait parler en Google Talk, dans le fond. En Google Talk, on va se parler dans le Facebook Chat. On pourrait n'importe quoi. S'envoyer des DM sur. Ah, oh, mais c'est classique. Mais... je suis tout le temps connecté comme invisible à part pour toi. Ben, moi, je suis pas personne qui me voit live. Là. Non, moi, il y a genre moi. Puis, De toute façon, je dois avoir genre 3 personnes dans ma liste. Ouais, c'est ça. J'ai genre 2-3 personnes dans ma liste, moi aussi. Là, mais... fait que si on se parle, que je t'ai parlé pendant que j'écoutais l'album. Ouais. Moi, j'étais vraiment primé le matin quand j'ai loadé ça. Puis. Première réaction que je t'ai donnée. On est quand même fans. Là. Ouais, on est allé les voir en show. On aime quand même le style. Puis tu sais, même que ça... on se parle des fois, genre en parole, style. On se chiac dit un peu. En style chiac, mais en chantant comme si on chantait du radio-radio, genre. C'est de même que j'ai fait ça aujourd'hui. C'est ça, là. Tu sais, on est vraiment tatane même, là. Ouais, à ce point-là. Fait qu'on est vraiment... on aime ça, là. Puis on aime le beat, là. Puis honnêtement, je m'attendais à de quoi qu'il allait groover, là. Ouais. Vraiment un peu comme leurs 2 premiers albums. Puis non. Puis la première réaction... ben non, c'est pas vrai que ça groove pas, là. C'est juste que c'est plus down tempo un peu. Puis la première réaction que j'ai eue, je pense que je t'ai écrit comme... ah, j'en ai écouté l'album de Radio Radio. Puis tu m'as dit, ah ouais. Puis je t'ai dit, ouais, c'était à chier. Ou non, tu m'as dit genre, à date, je suis vraiment déçu. Ah, c'est ça, à date, je suis vraiment déçu. À date, je suis vraiment déçu. T'étais rendu, je pense, à comme 7e toune. Ouais, c'est ça. Tu t'as dit, à date, je suis vraiment déçu. Puis là, je t'ai dit, pourtant, la toune galope a l'air popée. Puis tu m'as dit, c'est celle qui groove le plus l'album, à peu près. Fait que j'étais comme, ouais. Okay. Mais après réécoute, non, là. C'est dans ça que tu m'as dit. C'est parce que l'affaire, c'est ça et tout live. Souvent, c'est ça. Mais je me suis dit, là, à date, je trippe pas, mais ça va me prendre une autre écoute parce que je sens que je vais l'aimer pareil après faut ça. Faut comme tu t'habitues au nouveau beat, là. Parce que ta livre sont comme plus électro-blues, qu'ils ont dit, ou quelque chose du genre, là. Okay, ouais. C'est plus... pas trippant, mais tu sais... je sais pas comment... ça sonne Moby un peu. C'est plus musical, c'est comme un peu, là. Ouais, mais ça a comme une vibe un peu à la Moby, là. Moby, ça, c'est vraiment bizarre comme comparatif. Je sais que c'est bizarre, non, mais c'est pas comme Moby, mais ça a une vibe à la Moby. Je comprends ce que tu veux dire, mais... ouais, c'est dur à imaginer Radio-Radio, mais en même temps... ils ont beaucoup de collaborations, par exemple, sur cet album-là. Mais, tu sais, tu m'as dit ça, puis tu sais, je suis fan, puis je veux quand même l'écouter, mais tu sais, il y en a peut-être que, je veux dire, c'est... seront pas intéressés par l'album, mais tu sais, moi, je veux dire... ben, faut que t'aimes ça, en partant, ça, c'est un style, mais... j'ai quand même le goût de l'écouter, je veux voir qu'est-ce que ça a de l'air, je veux comprendre qu'est-ce que tu me dis. C'est sûr que si t'écoutes une tune puis tu fais « yark, j'aime pas le style », écoute pas l'album, parce que tout l'album est pareil, quasiment. Tout l'album est sur le même style, mais ils vont dans des places différentes dans chaque tune avec les collaborations, ça va un peu partout, fait que c'est... finalement, après quelques écoutes, je le trouve vraiment bon, l'album... après m'être habitué au nouveau style. Tu l'as écouté combien de fois jusqu'à date? Bon, 3-4 fois facile. Là, ouais, date, okay. Là. Les premières tunes, en tout cas, je les écoute souvent. Là, quand faut vraiment que je me concentre à la job, là, je me mets ça ce temps-ci. Là. Que... mais c'est vraiment plus smooth. C'est vraiment planant un peu. Ouais, c'est, okay, puis, ouais. Tu groove, mais tu relax. T'as le goût comme d'être là, puis de claquer du doigt, puis de taper du pied un peu, mais vraiment relaxé. Là, ben, c'est un peu comme... dans un bar à cigare, là, mettons, ça joue. Tu sais, le dernier album de Linkin Park, là. Ouais, mais ça, je te dirais que je l'ai écouté une fois, puis j'y ai même pas donné deuxième chance. Ben ouais, mais c'est ça l'affaire. Moi, mais il faudrait peut-être que j'y revienne. Honnêtement, c'est bizarre par exemple de dire ça, parce que quand t'écoutes du Linkin Park, il reste que ça, c'est quand même quelque chose. Il y a des tunes plus smooth tout le temps. Mais tu t'attends à ce qu'il gueule au moins une couple de fois dans l'album. Ça, tu vas avoir quelque chose d'intense un moment donné quelque part. Dans le nouvel album, la tune la plus intense, c'est la tune que joué à la radio là. C'est genre A Thousand Sun, je pense là, quelque chose de genre. Là. A Thousand Sun, ouais. C'est le titre de l'album. C'est en plus, là, ouais, okay, c'est celle-là. Ouais. Je pense que c'est ça la tune. Il me semble que c'est ça en tout cas. C'est comme une des tunes les plus intenses. Le reste c'est vraiment smooth, mais c'est bizarre de dire ça. On dirait faux. Quand tu dis je vais écouter cet album là, je vais écouter l'album, mais j'ai pas le goût d'écouter du Linkin Park. J'ai le goût d'écouter cet album là de Linkin Park. Ouais. Parce que t'écoutes les autres albums. Faut pas que tu te mettes dans le même mood que le reste de leur discographie. Non, c'est ça. Tu peux pas mettre genre random, on dirait. Là. Parce que si t'écoutes du Linkin Park, puis là tu tombes sur cet album-là, t'es peut-être pas dans le même mood. Là, t'écoutes pas cet album-là quand tu vas au gym, mettons. Là. Non, c'est ça. Je vais plus écouter genre le premier. Là, ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai dans mon iPhone. Ça, ouais. dans mon iPod Nano. Là. C'est pas le même beat. Dans le fond, là, c'est carrément différent. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, faut en donner une chance. Mais ça, Radio-Radio, finalement, moi, après plusieurs écoutes, là, j'aime le style qu'ils ont eu. On dirait qu'ils ont trouvé une autre niche, eux autres, que peut-être qu'ils allaient dans des beats plus faciles avant parce qu'ils voulaient se faire connaître, puis c'était plus catchy, là, comme la tune de Jacuzzi, puis Cliché. C'est sûrement encore catchy, juste parce que... ben, c'est catchy, mais il y a des trucs... moi, ça me catch, en tout cas, du radio-radio, on dirait il y a quelque chose, là, la façon... probablement, justement, à mais cause de la façon... je te dirais qu'il... tu sais, dans le premier album, souvent, ils racontent un peu des histoires dans leur tune. Celui-là, il est pas de même du tout, là. C'est vraiment plus des refrains catchy qui vont se répéter puis avec un peu d'écho puis des effets électroniques puis des bons beats là. OK, ouais. Fait qu'il faut que t'aies le goût d'écouter du beat Radio-Radio avec un peu de chiac puis des collaborations là. Un peu de chiac. tout le temps bon. Ce podcast n'étient point en chiac. Ouais, fait que, ben moi je te dis, prends-les. Prends-toi l'album de luxe, je pense qu'il est juste 12,99 sur iTunes. Puis il y a quand même 5-6 tonnes d'extra. Ben, c'est ça que je m'alignais pour faire, justement. Ben, fais donc ça. Ben, je pense que, hey, tu sais-tu quoi, tu m'en parles là? Je pense que je vais le faire en arrivant. Après le podcast, je m'en vais. Après le podcast, après ton. Je m'en vais m'acheter ça. Ton gros 4 minutes de route. Ouais, ouais. Ouais, on faut dire qu'on reste pas loin pour l'instant. Non, vraiment pas. Un gros 4 minutes de route, là. Un gros 4 minutes. Attention, t'as pris une bière, là. Ou deux. Pas plus, tu sais. Sinon, ça va pas abuser. Non, ça va pas abuser. Mais, on est chanceux, on n'a pas 21 ans, on peut chauffer même avec une bière dans le corps. Ouais, c'est ça. Mais parlant de, tu sais, de pas abuser, t'écoutes-tu les séries un peu, toi? Ben, ouais. Je pense que je me suis ennuyé du hockey cette année parce que le Canadien était plat. Ah, quel... À part genre Pacioretty, Desharnais, Cole, là, vraiment ça accroche. Ça a comme été. Ce qui était, ça a été l'équipe cette année, dans le fond. Là, tu sais. Ouais, c'est eux autres ça, c'était vraiment. Eux autres étaient hâte à voir aller. Mais sinon, le Canadien cette année, c'était plat. Puis pourtant, bizarrement, j'ai écouté beaucoup de matchs cette année. Beaucoup trop, moi, selon mon goût là, personnel. On dirait que je suis peut-être trop fan de hockey. Puis. On dirait que je suis pas capable de m'empêcher. Quand ça joue à la télé, je le mets à ce poste-là. Comme, c'est comme par défaut, moi, là, quasiment. Moi, je le pognais en plein milieu de game. Puis j'étais le temps comme « Ah, nice, Canadien gagne 2-1. » Puis je regardais le lendemain. Puis ça finissait en 5-2. Là, ouais, puis, c'est sûr. Là. Mais non, j'avais pas le goût de regarder. Ça a été ma protestation de l'année. Ça a été de pas les écouter vraiment. Ouais. J'essayais de suivre quand même, mais... J'avais pas le goût d'y voir. Il y avait comme. Mais il y avait pas d'âme cette année dans l'équipe. J'ai eu des billets pour aller les voir cette année. Je pense que c'est une année que j'ai eu beaucoup de billets. Là, t'sais, j'étais allé chanceux. Voir genre 4-5 games. Ouais. Là, je veux dire, il y en a peut-être qui vont voir plus que 4-5 games, mais moi je trouve que c'est gros 4-5 games par année. Là, d'habitude, je vois peut-être en moyenne une à deux fois. Là, quand t'as pas accès à des billets de saison ou de quelqu'un qui t'en donne. Moi, j'essaie de m'en procurer. C'est dur. Ouais, moi aussi. Encore cette année, j'hésite, mais probablement que je vais encore me garocher ces billets mix-up. C'est clair. Puis tout le monde fait ça, dans le fond. Puis tu sais, on a beau dire au monde, arrêtez d'acheter des billets, ils vont comme changer l'équipe, ben là, ils ont tous sacré le monde dehors, fait que ça se ben passe, ça change. Ben c'est ça, là, tu te dis, ouais, mais là, l'année prochaine, ça sera plus pareil, là, ça va être du nouveau monde. Mais il y a des listes d'attente pour les billets de saison, ouais, tu sais, de comme, genre... Puis ça va pas arrêter à cause qu'ils vont changer l'équipe, là, ça va même rester encore, là, tu sais. Mais là, en tout cas, il y a un vent de changement dans le Canadien, là, moi, j'aime bien ça, là, j'ai hâte de voir qui qu'ils vont nommer comme directeur... Ouais, général puis comme coach. Ça devrait s'installer bientôt. Penses-tu qu'ils vont donner un coup de fil à Roy? Ou... Moi, j'ai lu de quoi sur un... Il y a un site que je lis qui s'appelle Dans les coulisses. Là. Ouais. Je sais pas si tu connais ça. Non, j'ai jamais checké. Il est sur Twitter aussi. Puis lui, il a sorti sur son site. Lui, il a des contacts. Bon, c'est sûr que c'est tous des sites, genre, je veux dire, je connais tous leurs sources? Non. Je veux dire, je pourrais m'improviser un site puis dire des affaires à la genre 25 Stanley puis toute l'équipe. Je veux dire, c'est qui eux autres, ils ont-tu vraiment des vrais contacts, on sait pas, tu sais, je veux dire. Mais il reste que le gars dans les coulisses, il a sorti au mois de décembre, je pense, il a sorti que Kamalary se ferait échanger probablement contre Bourque. Ah ouais. Puis ça s'est fait vraiment longtemps après ça. Fait que tu sais, je me dis, il y a des bonnes rumeurs. Il y a peut-être des bonnes sources. Mais lui, il a dit que Roy à Montréal, il y a une source qui avait annoncé que c'était fait. Okay. Bon, c'est quoi la... Est-ce qu'il crée comme un hype médiatique présentement? Ben, c'est ça, tu sais. Ben, de toute façon, il y a le hype médiatique, là, c'est comme chaque média se relance la balle, puis ils disent tout. Ah, chaque... oh, ça va être tel gars. Ah, oh, ça va être tel gars. Ouais, mais... chaque gars des médias change lui-même de gars. C'est qu'à un moment donné, il va dire, je l'avais dit que c'était pour être ils vont lui. Tout avoir, il va tout avoir renommé les noms qui sont possibles. Mais tu sais, pour Roy, tu vois sur Cyberpresse, à chaque jour, il me semble qu'il sort un article, Roy attend l'appel, le cellulaire de Roy est ouvert. Ouais, c'est ça, mais en même temps, tu sais, s'ils veulent pas l'annoncer, Roy, ils ont dit, garde, ferme ta gueule. T'sais, c'est sûr qu'il ira pas le dire. Sauf que, d'un autre côté... Justement, Roy, c'est pas le genre à se la fermer, tu sais. Ça me surprendrait. S'ils ont dit ça. Non, s'ils ont dit, ils ont eu une entente, puis c'est réglé, t'sais. C'est sûr qu'ils ont fait une entente, mais en même temps, c'est surprenant, justement. Au pire, il va défoncer une coupe de porte, là, puis. Oups. Oups, allez. Faire un petit clin d'œil à ça. Un petit clin d'œil, se faire échanger. Un petit clin d'œil à ça. Ouais. Moi, je verrais bien Mario Tremblay comme assistant coach avec Roy comme coach. Ça ferait un duo explosif. Tu te revolerais sa gueule. Toi, tu veux vraiment que la saison soit épique cette année, dans le fond. toi, tu t'es dit 15e, c'est passé, on va être 30e dans l'île. On n'a pas eu le premier choix au repêchage. Moi, je suis pas satisfait de l'année du Canadien cette année. Mais non, c'est plate parce que j'aime le Canadien depuis toujours. Puis cette année. Pas moi, par exemple, moi, je suis un fan des Nordiques. Ouais, toi, tu viens de Québec. de jeunesse. Ouais, moi, jusqu'à quel âge t'étais à Québec? À peu près à 10 ans. Je suis resté plus longtemps dans le coin de la région de Montréal que je suis resté. Mais quand t'as déménagé à 10 ans, t'es-tu devenu fan du Canadien ou tu prenais encore pour les Nordiques? Je prenais encore pour les Nordiques jusqu'à qu'ils déménagent. Puis même dans ce temps-là, je prenais pour le Colorado. Canadien, mais j'avais encore mon petit cœur au Colorado. Tu sais, quand ils ont gagné la Coupe l'année d'après, là, ça fait chier. Là. Dans le fond, tu te rends compte, ils sont allés chercher Patrick Roy, puis là, tu te rends compte que tout ce qui manquait, c'était un gardien de but. Ouais, on a eu des assis gardiens de but. Ron Tognott, Ron Extall, man. Tu sais, il y a eu des gardiens de but. T'as-tu vu, il y avait une rumeur qui voulait que comme Ron Extall avait été approché pour cause de DG, genre. Mais non, oublie ça, Extall. C'est quoi cette rumeur-là? C'est ça. Toi, tu veux vraiment avoir une saison pire que cette année. Mais non, mais j'ai pas dit que j'étais pour Ron Extall, là. Hey, Ron Extall, on s'en sac-tu. Hey, calme-toi. C'est pas lui qui fessait le monde avec son bâton, Ron Extall. Hey, calme-toi, là, Ron Extall. On ramène-tu Peanut dans qu'à ça? Peanut. Hey. Non, mais c'est ça présentement. Qui était plate cette année? Ben, c'est pour ça que je l'ai pas écouté. Il y en a eu du bon dans d'autres équipes, mais nous autres. Mais les séries sont bonnes. Là. Ouais, surtout, tu vois, Pittsburgh contre les Flyers, il y a beaucoup de buts dans cette série-là à date. Là. Sérieusement, là, je me rappelle pas d'avoir eu une série. Là, aujourd'hui, on enregistre, on est le 22 avril, c'est ça? Ouais, puis là, c'est 3-2 pour les Flyers. On est le 21, ok, ouais. Le 21 avril, puis c'est 3-2 pour Philly. Pour Philadelphie, les Flyers. Puis il y a eu deux matchs de 8 buts, après ça, un match de 10 buts pour les. Pelé! Il y a eu un match de 10 buts après ça, puis plein de coups salauds. Puis, ouais. Puis Crosby qui agit en vrai. Savais-tu que le match de 10 buts là, qu'il y a eu des Pingouins puis des Flyers, dans le fond, la dernière marque de Pittsburgh pour avoir compté le plus de buts dans un match des séries, c'était 10 buts. Puis. Philadelphie, le plus de buts qu'ils avaient accordé dans un match des séries, c'était 10 buts, puis c'était les deux équipes une contre l'autre. Fait qu'ils ont comme égalisé leur record, mais eux-mêmes. Fait que c'est encore eux autres, fait que ça change rien. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une anecdote vraiment plate, ça. Je l'ai comme dit en plus. J'ai sûrement entendu ça à la télé. Là, j'étais comme, hey, je vais en parler, ça aurait du bon contenu pour notre podcast. Hey, vous pourrez dire que vous avez entendu ça à la jasette. En exclusivité, mesdames et messieurs. On a des scoops aussi. Eh oui, eh hey boy. Ben c'est ça, dans le match qu'il y a eu le deuxième fois 8 buts pour les Flyers, ouais. Crosby s'est battu. Ouais, Crosby s'est battu contre Giroux. Il deux battu gars contre Hartnell. Ouais, ben il s'est pogné contre Hartnell, mais c'est comme, tu sais qu'on arrête de mort si tu veux te battre contre Hartnell, mon petit Crosby, là, mais ouais. Méchante brute avec des beaux cheveux. Ouais, boucle d'or. Boucle d'or. Il a l'air de ça, mais genre semi-rouge, genre boucle de cuivre. Ah, il est pas semi-roux, il est pas mal tout roux, moi. Oh, il est roux, là. Mais ouais, il s'est battu. Deux commotionnés qui se sont battus. Ouais, à c'est point. Ça. T'sais. Puis le pire, là-dedans, moi, ce que je trouve le plus ridicule, c'est que tu vas avoir un coach comme Laviolette. Tu sais, un gars bien intelligent. Là, ah, t'sais. Il est brillant, Laviolette. Ouais, il a l'air brillant. On parle d'une vraie lumière, là. Tu sais, ça doit être du sang que couate, là. Je sais pas, là. Ça brille fort, là. T'sais. Facile. Et le gars, il est allé dire que lui, il a trouvé ça le fun pis hot de voir deux gars comme Crosby pis Giroux se taper sa gueule. Ben t'sais, oui, tu sais. Deux commotionnés qui se tapent sa gueule. T'en as un qui se mange un bon coup de poing, lights out, mon gars, il s'éteint. Je l'ai pas vu, bravo, le fait. Il avait-tu enlevé leur casque? Non, parce que je l'ai pas vu. Parce que t'sais qu'un, ça a tellement brassé. Un coup de poing sur une tempe, t'as une commotion, là. T'sais, un bon coin solide, ça attend. Moi, je faisais d'autres affaires en même temps. T'sais, j'étais comme. Non, mais c'est ça. C'était mais ça brassait tellement. J'ai non, pas mais vu s'ils s'étaient pognés sa gueule, s'il y avait leur casque. Non, mais même à ça, même mais si c'est pas beau, ça gueule. Pas en, grave, tu fais une mauvaise chute en tombant, en recevant un coup de poing ou peu importe. Non, les gars reviennent des commotions. Crosby, ça a pris combien de temps avant qu'ils reviennent longtemps, au jeu? Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ils vont aller se battre. C'est comme, ok, c'est beau l'intensité, mais tu peux mettre fin à ta carrière en te battant dans les séries. Moi, je trouve ça ridicule un peu, mais en même temps, c'est reste que, en général, les séries sont bonnes. Je te ouais, dirais, non, à c'est part ça. Le match, là, les matchs New Jersey Panthers, puis les matchs qu'ils jouent plus tard le soir, j'écoute presque toutes les séries, puis c'est des bonnes séries. Là. Oh, ouais, c'est vraiment, il y a de l'action. Y a... Qui va gagner cette année, c'est intéressant. Tu penses? Honnêtement, je ne sais pas, mais tu sais ce que je trouve cool? C'est de voir des nouvelles équipes. Ouais. Comme, ben c'est... Je viens d'avoir un message texte. Ça m'a donné une vie. One up. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, les séries, ce que je trouve intéressant, c'est de voir des nouvelles équipes. T'sais. Ok, les Canucks, je trouve ça le fun. C'est une équipe canadienne, toute l'équipe. Je trouve, tu sais, j'haïrais pas ça qu'ils gagnent la coupe. Ça fait une couple d'années qu'ils sont en série. Ouais. Mais c'est plate, là. Mais ils choquent tout le temps. Puis à un moment donné, ça vient plate. Fait que voir une équipe comme les Kings aller de l'avant, tu sais, je veux dire, je trouve ça cool. Les Coyotes, ça, je veux pas qu'ils gagnent, là, parce que j'ai espoir qu'ils déménagent peut-être dans une ville pas, non loin d'ici. Mais. Mais tu sais, ça, eux autres, je m'en fous. Cette série-là, je prends pour les Blackhawks. Puis si jamais les Nordiques reviennent, tu prends-tu pour les Nordiques ou tu restes pour le Canadien? Honnêtement, j'aurais de la misère à revenir pour les Nordiques parce que c'est plus la même équipe. Ouais, c'est ça. Mais je vais peut-être avoir deux teams. Là, je vais aller... Les deux, mais quand les deux vont s'affronter, tu vas être comme tu vas être content pour peu importe qui fait des buts. Là. Quasiment, genre. Je vais me lever pour les deux, tu sais. Ouais. C'est un peu niaiseux, hein. Ben non, tu sais, dans le fond, hein, on peut aimer les deux, là. On va pas se taper sa gueule. Non, non. Tu sais, parlant de se taper sa gueule... La guerre. C'est pas de se faire mal. Les manifs, c'est pas des raisons pour se faire mal non plus, là. Non, les manifs non plus, c'est pas une raison pour se faire mal. Tu vois ça, toutes les manifs qui se passent, là, avec... Ouais, beaucoup de manifs avec les étudiants. Les étudiants lâchent pas, je suis quand même content qu'ils tiennent leur point, parce que... Ouais. Tu sais, ça s'arrête pas seulement au conflit étudiant par la hausse, là. Je pense que les raisons derrière ça, c'est vraiment la corruption du gouvernement, puis comme les moves d'imbéciles, puis la bureaucratie, puis... T'écœuré, man. Puis ça... en fin du monde, parle-moi de ça, des jeunes, n'importe qui, là, parce qu'il y a pas juste des jeunes qui manifestent, il y a des parents qui manifestent, il y a plein de monde. Mais parle-moi de ça, du monde qui enfin se lève, puis qui sort en public pour se faire entendre. Asti, ça donnera peut-être à rien. Comme j'ai mais vu au moins, ça veut dire que ça commence à bouger, qu'on commence à être tanné. Ouais, peut-être ça. Qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'on est tanné d'autres affaires aussi, tu sais. C'est ça, ça s'arrête pas juste fait à la cause. C'est pas juste, qu'on c'est pas voit, juste pour la hausse. Tu sais, moi, la hausse, c'est dur à dire contre, pour contre. Tu me dis, je suis pas contre la hausse, je suis pas pour la hausse qu'ils font nécessairement. Tu sais, c'est plus le problème, actuelle, c'est là, qu'il y a comme gelé les augmentations à chaque année, parce que là, faut. Les universités s'endettent à cause qu'ils n'ont pas leur augmentation, ils sont pas nivelés par rapport au niveau de la vie puis tout, non, au coût de la vie. Puis il reste qu'au Québec, ça coûte quand même moins cher que partout ailleurs, mais tu sais, mais là, après une hausse de, c'est quoi, 75%, je pense, c'est ça n'a pas de bon sens. C'est une hausse qui est incroyable, alors qu'il y a probablement de l'argent qui se perd ailleurs, déjà en partant, là, tu sais. Puis Chris, au Québec, on est des plus taxés, tu sais. C'est comme, on peut-tu avoir des affaires qu'on paye moins cher qu'ailleurs, là, tu sais. Ça se peut-tu que ça nous arrive? Ça? Non, mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a toute la bureaucratie qui nous vide l'argent du Québec. Puis les fonctionnaires, il y en a trop partout. Puis la corruption, il y en a. Puis Charest qui fait des jokes d'imbéciles, il est plus digne de gouverner le Québec, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Non, ça. Sauf que, honnêtement, il lâchera ça, jamais son bout, là, Jean Charest. Là, mais... Jean Charest, sur sa petite joke, là, il a passé à côté d'un moment de se la fermer solide, selon moi. Parce sur que C'est le genre de commentaire que je pense que tu peux pas faire. Tu sais, en plus, dans son commentaire, à un moment donné, il a déclaré des nouvelles après, comme en entrevue. Il a déclaré une affaire dans le genre c'est pas en faisant du saccage que, parce que, tu sais, le genre ouais, que... ont tapé dans les vitres, puis ils ont brisé des vitres. Ils ont lancé des cocktails Molotov. Ils ont dérangé pas mal, là, tu sais. Puis il a dit c'est pas en faisant ça que vous allez améliorer la situation. Ben, c'est pas en faisant des jokes de même que lui va ben améliorer ouais, la situation. Il là, fait juste t'sais. Mettre de l'huile sur le feu, là. Carrément. T'as un gros feu, mon gars, qui est parti mérite. Puis c'est pas de la braise, là. C'est un feu. Ils lâcheront pas les étudiants, là, j'ai l'impression. Ils sont pas partis pour arrêter. Pis, non, vraiment pas. C'est juste que des fois, là, ils débordent un peu, là, comme quand ils bloquent la circulation ou les. Le problème, c'est que ça ne tient pas la sympathie du monde. C'est ça, faites pas chier le monde qui vont travailler, mais trouver d'autres manières. C'est le gouvernement qui faut fait, que vous... Ils ont déjà fait une affaire au pont Jacques-Cartier qui s'était juste mis en entrée du pont Jacques-Cartier avec des pancartes, klaxonnez-nous pour nous appuyer. Ouais. Le monde passait à côté, il klaxonnait. OK, c'est... Parce que le problème, c'est le message passe, le monde klaxonne, mais ça fait pas passer le message. C'est ça qui. C'est faut peut-être bloquer l'accès au bureau des ministres. Si tu fais chier le monde, ton message va passer plus. C'est ça qui est con en même temps. Parce que ça va faire chier d'autres mondes pour faire chier un groupe bien précis de gens, mais tu vas peut-être en faire chier d'autres en même temps. Ouais, c'est ça. C'est là que ça dérape peut-être un peu. Puis là, après ça, tu vas avoir souvent des groupes. T'as d'autres groupes qui vont joindre à ça, c'est ça. Là, la manifestation qu'il y a eu au Palais des Congrès avec Jean Charest pour le plan Nord. Ouais, ouais. Ben, il y avait un groupe, les drapeaux, il y avait des drapeaux noirs et verts. Ouais, comme c'est un groupe séparés dans le milieu vu, en diagonale. Ça, là, en diagonale. Moi, je suis allé voir de quoi, j'ai vu du monde sur Twitter parler de ça, puis je suis allé me renseigner. Puis c'est un groupe d'anarchistes, genre anarchiste positivisme ou primitivisme. Ouais, les anarcho-primitivisme. C'est ça. Puis le vert, dans le fond, c'est le symbole international des revendications écologistes. Fait qu'eux autres, plan nord, là, c'était comme une occasion de venir en profiter pendant que les jeunes étaient là, ben eux autres sont comme mêlés de ça. Fait que ça a fait deux groupes qui avaient peut-être des opinions un peu similaires à certains niveaux, ouais, dans le sens ça. Que le gouvernement les fait chier. Là. C'est juste que eux autres, tu sais, dans le anarcho-primitiviste, probablement que le primitiviste, c'est de tout péter, là, j'imagine. Mais c'est, je sais pas. C'est de là, passer à l'action, je sais pas. L'anarchisme en partant, je veux dire, c'est... C'est ça, mais... C'est ça, là, je veux dire, c'est... Tu veux te faire... Tu veux te faire entendre, tu veux te faire... C'est ça, là. Regarder, tu veux savoir que le monde... Tu veux que le monde le sache que t'es là, là. Ouais. Fait, en tout cas, ça a peut-être fait un peu de dérapage. T'as deux groupes qui se mettent ensemble, qui se mergent, puis bon, ça peut déraper, là. C'est, ça arrive, là. C'est mais, tu sais, l'affaire du plan Nord, je sais pas si t'as vu, c'est comme un... Il y a des kiosques, je sais pas trop, c'est pour faire des affaires, là. Puis ouais. Je sais pas si t'as vu aux nouvelles hier, il y avait personne. Il y avait pas personne, mais non, ils ont tous bloqué les accès. C'est ça, là. Ça, au moins ça a marché. Ouais, ça a marché, ouais, c'est ça. C'est juste que, tu sais, ils sont peut-être allés un peu fort, là. Là, ça a l'air d'une guerre civile à Montréal quand tu check les nouvelles, là. Ouais, là, t'avais c'est la comme... police qui courait dans le rue. C'est juste moi qui trouve ça irréel, là. Puis ça fait de la violence, tu sais. Ah, hein, oui. Tu vas avoir, genre, 4 polices sur une fille, genre, qui pèse à peu près, genre, 115 livres mouillés, là. Puis là, ils sont tous écrasés dessus, puis ils te la tiennent à côté sur l'asphalte, là, la face dans l'asphalte. Ah ouais, tiens, mange un peu d'asphalte, toi, ça va te faire du bien, tu sais. Mais non, mais tu sais, c'est épais, là. Tu sais, je veux dire, ça fait de la. Puis on dirait. Ça escalade tout le temps un petit peu, tu sais. Tu vas avoir, c'est sûr que tu vas avoir un peu de violence là-dedans, je veux dire. Les gars, là, les polices, ils ont des matraques dans les mains. C'est ça. Pas pour juste la brandir et dire « Hey, il m'a tapé ses doigts. » Puis tu sais, à un moment donné, ça fait combien de jours qu'ils protestent, là, les étudiants, puis le gouvernement refuse de leur parler. Là. Ouais, à un moment donné, il faut que tu agisses. Ça me surprend qu'il n'y ait pas eu plus de débordements que ça à date, parce qu'il va y avoir des tensions à un moment donné de plus en plus. Là, puis, Moi, sérieusement, là, j'en reviens pas. Qu'il n'y a pas encore de... De mort, quasiment, là. Ben ouais, mais je m'en ai dit, qu'il n'y a pas de encore... Blessés graves. Ouais, mais il y en a eu. Ouais, oui, mais il y en a eu. Il y a eu, genre, des éclats de grenade. Ouais, je l'ai vu, ça. Tu sais, t'en as eu. Puis, tu sais, c'est dangereux, je veux dire, le gars aurait peut-être pu perdre son œil, là. C'est ça, là. Tu perds la vue, là, d'un œil, c'est chiant, Chris, juste parce que t'es allé manifester dans la rue. Ouais, c'est ça, là. Ouais, wow, là, tu sais, à un moment donné... Il y a une limite, on n'est pas, tu sais, je veux dire... On fera pas comme le printemps arabe, là. Ben, c'était un... Non, le printemps érable. Ouais, là, j'ai vu ça sur Twitter passer, je l'ai trouvé bien bonne, cette expression-là, le printemps érable. Mais faut pas en venir à cette violence-là, parce que ça c'était trop, là. Je pense que là. Le gouvernement devrait faire de quoi avant que ça aille jusque-là, justement. On, mais justement... On peut montrer qu'on est civilisé, puis qu'on... Je sais pas si t'as qu'on vu, il y a... est capable de parler de nos conflits, il y a une protestation sur... Il y a un genre de... Pas de sondage, là, mais de pétition pour que Charest démissionne, là. Ou un truc sur Facebook, là, je sais pas trop. Mais ça, t'sais... Mais t'sais, ça, c'est... Ça... C'est-tu vraiment une raison pour qu'il démissionne? Non, vraiment juste... pas. Il va rire encore plus. Il... T'sais, je veux dire, de toute façon, Charest démissionnera jamais. Non, il va être là jusqu'à la fin. Ah ouais, lui, il veut pas... Par exemple, si là, il se fait réélire aux prochaines élections, moi, je comprends rien, puis je capote un peu. Là. Ben, sérieusement, s'il se fait réélire aux élections, je vais rire des gens, man. Je vais rire du monde, là, carrément, là. Je vais dire, OK, vous avez juste rien compris, là. C'est le même Christ de gars, c'est le même maudit gouvernement. Ah ouais, là. C'est ça. Là. Et si tu penses que ça va donner quoi? Ah, ils vont réussir. Oh, one deuxième vie. Again. Mais ouais, c'est ça, tu sais. La violence et tout. Il faudrait que. Ouais, c'est quand même, moi, je veux pas qu'on en vienne aux armes au point que c'est arrivé avec le printemps arabe. C'est de la violence qu'on n'a pas de besoin au Québec. Là. Non, c'est ça. Je pense qu'on peut se passer de ça, qu'on est capable de se parler et de dialoguer. En tout cas, je pense. J'espère qu'on est encore capable. La violence, là. Pis la violence. Les jeunes, là, avec leurs émissions de fous qui écoutent. Là. Ah, quand on était jeunes, nous autres, là, hey, on écoutait des émissions puis il me semble que c'était pas violent. Là. Mais ça, man. Moi, là, quand j'étais jeune, puis j'écoutais une émission comme Fraggle Rock. Là. Fraggle Rock! Hey, man, sérieux. Là, des petites bébés dans des trous, là, avec un gros chien fait dans cartoon. Puis le... C'était bon. Ça, c'est Fraggle Rock. Ça, c'est Fraggle Rock. Ça, c'est Fraggle Rock. Ah non, mais. Parle-moi de sérieux, ça. Sérieux, là. Comment tu veux avoir le goût de taper sa gueule à quelqu'un quand t'écoutes Fraggle Rock ou Démétane, là? Ouais, Démétane, t'as juste le goût de t'ouvrir les veines, parce que c'est peut-être, tellement dépressif. Mais t'as pas le goût de tuer quelqu'un, t'as pas le goût de créer ça un coup de matraque, là. Non, vraiment pas, là. One up. One up again. Mais non, t'as pas le goût d'y. T'y donner un coup de matraque, là. Non, non, c'est ça, là. Dans le temps, nous autres, les émissions jeunesse, il me semble que c'était différent. Hein? Ouais. Ça a changé, ça. Ça a changé. On est rendu vieux, là. Mais là, attends, là, on dit les émissions de jeunesse, mais crème, quand t'écoutes Fraggle Rock, là, leur émission de jeunesse dans ces âges-là doivent être quand même pas si pires. Ouais, faut dire que. Parce que Fraggle Rock, c'est quand même des genres de mopettes, là. Ouais, c'était quand, dans quelle année, ça, Fraggle Rock? C'était les années 80, mais ça? Ouais, les années 80. Je me sens que j'étais jeune quand j'écoutais ça. Ah, moi aussi, j'étais assez jeune. C'était hot. Fraggle Rock. Fraggle Rock. Dans le temps du Video Wave, la télévision interactive avec 4 pitons. Boy, ouais, ça c'est quasiment un peu après. Ouais, c'est pas dans la même époque que Fraggle Rock, c'est vraiment après ça. Ça, Fraggle Rock, probablement, c'est dans le temps que t'avais des télés avec des pitons, là. Clic! Clic, tu sais, quand tu chargeais ton câble au distributeur, là, c'était un piton, là, ça faisait clic! Clic! Hey, man, c'était des 6 manettes lettres, là. T'avais un U sur ta télévision, là, dans les postes que tu peux choisir, c'était une roulette que tu tournais. Ouais, tu mettais ça à U, là, puis là, c'était comme ton câble, là. C'est ton input, genre. Ouais. La belle époque, la belle technologie. Télé en bois, même. Moi, je plains les jeunes qui n'auront pas connu l'évolution de la technologie. C'était merveilleux dans le temps, comment qu'on... On était... Mais nous autres on était direct dans le moment en plus que ça a vraiment changé. Ça a commencé un peu. Pour bout. Ah, vraiment, là. On a passé des années 80. Toi, t'es né quoi, 81, moi, 83? C'est ça, t'sais, 81. Fait qu'on est vraiment du monde des années 80, là. Ah ouais, le fluo. Nous autres, on a vu comme juste après les années 70 que la technologie a commencé, mettons, là. Les affaires comme les télés, les vidéos, toutes ces affaires-là. Donc, on a vu l'évolution de tout ça jusqu'à aujourd'hui, là. Hey, mais... Hey, man! Sérieux, là, quand tu dis que dans le temps, on jouait sur une télé en bois avec des roulettes, là, clic, clic, clic, clic, clic, clic. On jouait là-dessus à, mettons, je sais pas moi, un Nintendo, là. Le vieux Mario, là, le vieux premier Mario, là. Puis pis là, aujourd'hui, là, tu joues sur ton ordi ou ton PlayStation 3 à un asti de jeu en 3D malade. Puis on est même... C'est ça, la violence, dans le fond. C'est des jeux vidéo. Nous, on jouait à Mario Bros. Oui, on va mettre ça sur le dos des jeux vidéo, là, comme font les médias, t'sais. Oh, ouais, c'est pas cliché, pas en tout. Là. Non, tout c'est à faute des jeux vidéo. Oh, mais quand tu sais pas qui blâmer les jeux vidéo. Trouve ça vraiment épais quand le monde dit ça. Ouais, c'est niaiseux, là. Ouais, ouais. Il y en a peut-être que oui, là, mais t'sais, peut-être des petits troubles un petit peu mentaux. Je pense pas que c'est la base. La base est ailleurs. Mais c'est pas le jeu vidéo qui te rend violent. Moi, je m'excuse, là, mais quand j'avais 5 ans, ben, je suis 5 ans, je sais pas, là, mais à peu près, là. Dans le temps que Commando est sorti, là, Commando. Avec Arnold. Commando. Moi, j'écoutais ça quand j'étais kid, là. Hey, à un moment donné, là, Arnold, il pogne le gars d'un bras, man, puis il coupe ça avec une machette, là. Ça fait une belle coupeur bien ronde, mon gars, bien fit, là. Ouais. C'est incroyable, puis ça pisse le sang. C'est comme, moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Je suis pas devenu un tueur en série, puis je bats pas des enfants, ou je sais pas, là. Je suis pas devenu malade dans la tête. Ça dépend de chaque personne, là, je veux dire. Ouais, ben c'est sûr que c'est un tempérament. C'est un tempérament, puis c'est pas juste ça qui fait que la personne va devenir. C'est ça. Moi, je m'excuse. Moi, les excuses de films violents puis de jeux vidéo violents, dans ma tête, on dirait que ça marche pas. Non, c'est ça. Ben ça peut être ça, mais c'est pas juste ça. La violence d'une personne. C'est ça. Des événements qui se sont passés, des produits quelque part, là, je veux dire. C'est pas basé ça sur un film. Commando. Quel chef-d'œuvre. Mais hein. Tu peux pas blâmer Commando pour la violence sur la Terre. Peux-tu blâmer Arnold pour la violence? Ben. Non. Dans ses films, oui. Arnold. Pas dans le monde. Hey, Arnold. Arnold. Van Damme. Van Damme. Stallone. Stallone, ben oui. Les idoles de jeunesse. Des idoles de jeunesse. Toutes des Expendables, c'est quoi? Ouais, genre aujourd'hui, c'est ça. Là, c'est des vieux. Des vieux qui font des films d'action. Recyclés en films d'action. Là. C'est débile, là. T'es cœur, hein, ça. Malade. Ouais. Hein? Hey, ma bière est pas mal finie, moi. Ouais, ben moi aussi. Ouais, fait que. T'as-tu d'autres choses à me jaser? T'avais-tu quelque chose que tu voulais parler? Ou on. Là, on regarde le temps, on est rendu à plus qu'une heure, à peu près. On devrait s'en garder, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, faut pas ça spoiler nos. Ouais. Nos idées, puis faut se garder du stock si on veut revenir, tu sais. Ouais. Ouais. On veut pas tout passer d'une traite. Ben non. Fait qu'on va conclure ça, je pense. Ouais, je pense que. On va... Hey, vous... ouais, mais en même temps, tu te dis, on finit ça, c'est une touche violente. Ouais. On pourrait-tu dire un petit commentaire le fun, là? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'on s'en va manger de la fondue. Oh non! Hey, on va encore jaser pendant des heures. Pas de la fondue. Ben, sur ça, c'était le premier épisode, édition du 21 avril 2012. Premier épisode de La Jasette. On vous met ça en ligne bientôt. On vous met ça en ligne bientôt. Vous pouvez trouver ça sur notre site young.ca/podcast. On va être également disponible sur iTunes, sur La Jasette. Vous chercherez ça. Notre compte Twitter, qui est @commercial La Jasette en un mot. Venez nous parler, on veut savoir de quoi vous jasez. Venez réagir à nos propos, on veut dialoguer avec vous autres. On veut jaser avec vous autres, vous, notre belle public. Venez carrément nous dire que nous avez trouvé complètement tata de parler de telle affaire puis qu'on connaissait pas ça. Venez nous le dire, on s'en sac. on fait ça pour le fun. Fait que, sans aucune prétention, c'est marqué justement dans notre bio Twitter que on parle de tout et de rien, et plus particulièrement de rien. Puis je pense que... Non, mais c'est ça le but, là. On c'est jase. Ça qu'on a fait, là, aujourd'hui. Hey, on jase. Hey, on jase, puis on veut vous jaser ça. Venez nous jaser sur Twitter. Donc, c'était Jean-François Crompe. David Thibodeau. Pour La Jasette propulsée par Yonk Media. À la prochaine. Salut tout le monde.